peut-être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Ce soir, à l'aérospatiale, Pierre Bonheur, la couleur radieuse au Musée national des beaux-arts du Québec, Jean Soucy, peintre clandestin à la Villa Bagatelle, l'artiste Francis Chénier et sa pratique, et la sélection audio de Simon Roy. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Alors, vous aurez remarqué un changement de voix au micro cette semaine. Et oui, Sarah Bélanger-Martel avec vous ce soir, 11 octobre, en remplacement d'Audrey Caro. Et ça, pour les prochaines semaines. Alors, j'aurai le bonheur d'être avec vous pour le temps à venir cet automne. Alors, on espère que vous en profitez bien de cette magnifique saison des couleurs. On en a eu une autre belle journée aujourd'hui. Et à l'aérospatiale, aujourd'hui, nous aussi, on en profite pour vous parler un peu de couleurs, en fait. Alors, en début d'émission, on va faire un retour sur l'exposition de Pierre Bonheur, La couleur radieuse, qui vient de débuter au Musée national des beaux-arts du Québec. Et notre chroniqueuse, Andréane Lesage, sera avec nous en studio pour nous en parler dans quelques instants. Ensuite, on s'entretiendra avec Sébastien Hudon, commissaire de l'exposition Jean Soucy, peintre clandestin, qui est présenté à la Villa Bagatelle, une exposition qui nous permet de découvrir un peu la pratique qui est encore un peu méconnue, je dirais, d'un peintre qui a quand même marqué la scène de Québec. Et en seconde moitié d'émission, on aura la chance de discuter avec l'artiste Francis Chénier, dont la pratique se situe quand même au confluent de l'art contextuel relationnel, de la poésie et de la bibliothéconomie. Alors, assez particulier. Il sera d'ailleurs de passage à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval plus tard cette semaine pour donner une conférence sur ses recherches, mais on l'attrape juste avant. Et comme toujours, on vous fait part des événements à ne pas manquer en fin d'émission, alors restez des nôtres. Mais juste avant, on vous présente la sélection de notre commissaire musical en résidence, Simon Roy, qui, cette semaine, a sillonné les internets pour nous proposer quelques pièces d'un LP qui s'appelle Changes, sorti en 2004, de l'artiste Digital Verein. Et là, vous excuserez mon allemand. Le vrai nom de Digital Verein, c'est Jörg Schuster. Et c'est paru sur la nette étiquette allemande Thinner. Et ça fait généralement dans le dub, techno, minimal house. Alors, vous retrouverez un peu encore de l'électro-expérimental ambiant. Et on vous en offre un premier extrait à l'instant, la pièce « Don't make me cry again ». Thank you. Alors, en début d'émission, on vous parle avec Andréanne Lesage, notre chroniqueuse. Bonjour Andréanne. Bonjour Sarah. Bonjour et bienvenue à cette émission où le thème de la couleur, c'est vraiment, c'est pas juste une question d'automne. On le voit au musée, la couleur était vraiment à l'honneur avec cette nouvelle exposition qui vient d'ouvrir le 6 octobre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, tu étais là pour voir l'exposition et tu vas nous en parler un petit peu ce soir. Oui, tout à fait. Donc, nouvelle exposition. Première exposition, d'ailleurs, d'art international présentée dans le nouveau pavillon Pierre Lassonde. C'est une exposition monographique autour de l'œuvre de Pierre Bonnard, donc un artiste français qui est né à la fin du 19e siècle et qui est décédé en 1947. Donc, il a quand même été, disons, dans les années charnières là, de l'art moderne. Il a vécu sa jeunesse d'ailleurs à Paris, donc il était vraiment là, présent lorsqu'il y a eu toutes sortes d'avant-gardes. Et même si on sent quelques influences, en fait, il a été vraiment à l'avant de ces avant-gardes-là, en participant notamment au mouvement Nabi, qui est un mouvement petit groupe plutôt des Nabi, donc dans sa jeunesse. Et l'exposition commence d'ailleurs un peu comme ça. C'est une exposition chronologico-thématique. Donc on a semblant de chronologie, je dis semblant dans le sens où c'est pas si important, surtout pas dans le travail qu'il va faire plus tard dans sa vie. Ça teinte beaucoup ses premières années justement où il finit un peu sa formation artistique qu'il va glaner ici et là en faisant des cours à l'École des beaux-arts, à l'Académie Julian, tout ça. C'est là qu'il rencontre des amis qui vont former avec lui justement le mouvement, le groupe Nabi. Nabi, c'est un mot qu'ils ont choisi, qui est c'est semi-sérieux, semi-humoristique. Hein? Ça signifie en hébreu et en arabe les prophètes. Donc, ils se considéraient comme des prophètes d'un art nouveau. Alors, à l'époque, là, ils étaient vraiment effectivement très modernes. C'était des artistes aussi qui s'intéressaient à la vie moderne à Paris. Donc, la première thématique de la salle s'appelle Paris, la rue, la vie. Donc, c'est l'époque où Bonnard vit à Paris, vient finir justement ses cours, tout ça, se lance vraiment dans la peinture à temps plein. Et il va croquer sur le vif des motifs de la vie parisienne, la jeune parisienne même qui devient un archétype ensuite de l'art moderne. Et à ce moment-là, ces scènes, au début de l'exposition, on comprend pas trop le titre. Pour être honnête, là, la couleur radieuse, la lumière a quand même une importance dans son travail. D'ailleurs, il y a des scènes d'intérieur assez intéressantes où il va centrer toute la composition autour d'une lampe. Puis là, il va travailler l'éclair-obscur, tout ça. Mais c'est vraiment plutôt dans la suite de son travail, donc des années plus de maturité, où là, il devient moins timide, disons, avec la couleur. Il va employer des couleurs très saturées. D'une manière aussi assez particulière, parce que bon, on sait qu'il était ami avec Matisse. Matisse, un artiste justement qui était aussi un grand maître de la couleur. De la couleur, oui. Oui, et qui vont faire d'ailleurs des sujets très semblables parce que dans ses années de maturité, justement, Bonnard va vivre au Canet, donc en banlieue de Cannes, dans le sud de la France, là, avec sa compagne de vie, Marthe. Et là, il va faire plusieurs paysages, plusieurs scènes d'intérieur aussi de sa petite maison au Canet et qui vont rappeler un peu les tableaux de Matisse, mais avec un emploi de la couleur qui est un peu différent. C'est qu'il fractionne sa couleur. Donc, c'est moins contrasté, même si on a pourtant des jaunes citrons avec des violets profonds. C'est qu'il va vraiment répéter toutes ces couleurs-là un peu partout sur la surface du tableau en teintant ses ombres, justement, de couleurs plus lumineuses. Et ça fait en sorte aussi de créer des œuvres qui sont parfois difficilement lisibles, c'est-à-dire que c'est des œuvres qui s'apprécient dans le temps. Je pense que ça prend un certain moment pour découvrir tout ce qui est présent. C'est des tableaux figuratifs, donc on voit justement des personnages, souvent des animaux de compagnie d'ailleurs, qui sont cachés dans le tableau. C'est assez amusant à trouver. Et c'est en partie à cause de cette couleur-là qui est répartie un peu uniformément. Il n'y a pas de parties plus floues que d'autres, finalement. Le peintre accorde vraiment une importance égale à tous les motifs représentés, ce qui vient un peu brouiller les effets de profondeur, puis va jouer aussi sur des cadrages très serrés, donc une autre approche très moderne de la peinture, ce qui fait que, bon, on a justement un petit peu de difficulté des fois à décoder, mais c'est justement, ça donne un charme, finalement, à ces tableaux. Et je pense que C'est intéressant, en fait, de voir justement le travail de cet artiste-là d'un point de vue très intime. Il y a beaucoup de thèmes, en fait, parce qu'après la vie parisienne, il va vraiment vivre de façon plus reculée avec sa compagne de vie, Marthe. Et là, va se tourner vers des thèmes comme les nus. Donc, souvent, en fait, ce sera... Souvent elle, oui. De façon obsessionnelle, en fait. C'est assez particulier. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me permets une parenthèse. Il y a un livre qui vient de sortir au Québec tout juste, c'est sur justement Marthe Bonnard, donc le grand modèle de la vie de Pierre Bonnard qui a été sa compagne pendant 49 ans. Donc, ça s'appelle L'Indolente. Mais on voit beaucoup Marthe au bain. Donc, il y avait comme une espèce d'obsession ici chez elle, mais plutôt de la propreté. Puis aussi une sorte de retrait finalement de la vie sociale. Donc de ce côté-là aussi, je pense que l'auteur creuse au niveau de la psychologie là de Marthe Bonnard. Mais l'artiste lui-même, c'est vraiment adhérer à ce mode de vie-là, plus reclus avec celle qui va devenir sa femme plus tard. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant, dans l'exposition, il y a évidemment surtout de la peinture, mais il y a également une petite section où on voit des photographies que lui-même, je crois, Bonnard ne considérait pas comme nécessairement des œuvres d'art. C'est vraiment de la documentation, même presque en préparation d'esquisses, où il semble y avoir des poses qui sont prises, tout ça. C'est vraiment intéressant de voir un peu de cette percée dans leur vie intime à ce couple, Marthe et Pierre Bonnard. Tout à fait, oui. C'était l'apparition, en fait, des premiers appareils photo portatifs à l'époque. Donc, c'est des photographies qui sont autant des souvenirs, mais c'est aussi, ça correspond à la démarche de l'artiste. C'est effectivement du matériel préparatoire, mais pas comme on pourrait l'imaginer qu'il va amener avec lui ses photographies en atelier pour représenter le motif en ayant finalement la photo sous les yeux. C'est un artiste qui travaillait jamais devant le motif. Donc, jamais devant ses sujets, ce qui est assez particulier parce que tous ses sujets étaient à portée de main. C'était sa femme, c'était sa maison, son jardin. Mais il travaillait de mémoire. Et ça aussi, c'est assez, c'est assez particulier et ça vient aussi un peu expliquer pourquoi ses peintures, parfois, il y a des flous. Marthe, par exemple, on voit jamais son visage. L'accent n'est pas mis sur son visage. Son corps est toujours représenté jeune aussi. Donc, il y a un mélange des temps qui est là dans son travail. C'est comme s'il se souvenait finalement de Marthe, même s'il l'a sous les yeux. C'est le souvenir d'elle qu'il représente, d'elle dans différentes positions, justement, dans différents moments de sa vie. Donc, c'est assez particulier, mais son atelier était vraiment tout petit. Il n'y avait pas de recul du tout. Donc, il peignait de très proche, finalement, avec des petites touches qu'on remarque bien quand on voit là ces tableaux. Avec beaucoup de mouvements aussi quand même. Oui. On sent que souvent le sujet du tableau est presque la couleur elle-même, le trait de peinture et ça donne à la couleur justement un mouvement, une forme de chatoiement là. Quand on parle de la couleur radieuse, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement qui se dégage aussi avec la touche, avec cette les directionnalités différentes aussi dans le tableau qui viennent vibrer, en fait, j'ai l'impression, dans plusieurs de ces toiles. Tout à fait. À la fin, on le remarque bien avec les dernières thématiques sur les intérieurs, les paysages. C'est la couleur qui est le sujet dominant dans les tableaux. Puis, il y a vraiment des tableaux qui s'approchent de l'abstraction, là, pure et dure. D'ailleurs, Bonnard, c'est un artiste qui est apprécié chez certains peintres plus contemporains, Marc Rothko, entre autres, s'est dit vraiment inspiré par le talent de coloriste de Bonnard. Donc, c'est un peintre qui a réussi finalement à rester actuel et c'est assez nouveau justement qu'on s'y intéresse ou on s'y réintéresse, en fait, parce que dès l'année qui a suivi sa mort, il a eu droit à une rétrospective au MoMA, Bonnard, donc c'est pas rien, en 1948 ou 49, en tout cas dans les années suivant sa mort. Et justement, bon, on l'a un petit peu oublié par la suite, ça fait quelques années là qu'il revient, disons, plus en force en Europe, et là, ben, on a la première exposition monographique au musée. C'est une exclusivité exclusivité américaine, d'ailleurs. Donc, assez intéressant. Donc, juste peut-être faire le tour des activités en lien avec cette exposition-là, parce que, bon, il y a l'exposition comme telle, mais il y aura aussi une série de conférences bien intéressantes, à commencer par la conférence de Françoise Lucbert, qui enseigne en histoire de l'art à l'Université Laval, qui aura lieu le 19 octobre prochain. Et qui est vraiment centré autour du groupe des Nabis, justement. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment d'élaborer sur le sujet, mais ça serait une bonne occasion, là, d'aller justement en savoir plus autour de ça. Il y aura aussi une conférence d'André Gilbert, qui est conservateur aux expositions au Musée des Beaux-Arts et qui a vraiment coordonné toute l'organisation, finalement, de l'exposition au musée, qui fera une conférence le 23 novembre. Pierre Bonnard, la figure subjective. Donc, on a encore là ici le thème, justement, d'une peinture qui est très émotive, très personnelle à l'artiste. Donc, c'est des conférences à ne pas manquer. Il y aura aussi un concert spécial. Fait spécialement pour cette occasion-là, si j'ai bien compris. C'est vraiment un concert qui a été monté pour l'expo elle-même. Oui, c'est ça. En fait, pour l'expo elle-même? Oui, c'est ça. C'est inspiré de l'époque de Pierre Bonnard. Donc, c'est des mélodies qui existent déjà, mais quand même qui ont été rassemblées justement pour évoquer cette époque-là. C'est fin de semaine à 13h30 et 15h, ainsi que le mercredi soir à 19h, et qui sont le résultat finalement des recherches de Suzy Dufour, qui est aussi chroniqueuse à l'émission. Oui. Et oui, elle a plein de talent. Oui. Donc, c'est vraiment des... Des visites commentées très bien structurées, très bien faites. L'équipe de guides, évidemment, du musée, bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vraiment des guides exceptionnels qui vont avoir beaucoup de plaisir, mm-hmm. justement, à faire connaître là, le beau travail de cet artiste-là. Donc, vraiment, toutes sortes de portes d'entrée par la musique, par les visites guidées, aller voir l'exposition aussi ou par les conférences. Alors, on en profite et ça va être au musée jusqu'au 15 janvier prochain. Donc, on a tout l'automne pour découvrir cette exposition-là. Merci beaucoup, Andréane. Bien, merci, Sarah. Merci à toi. Merci. Et nous, on va écouter un autre petit extrait qui s'appelle « The Changing Concepts ». De retour à l'aérospatiale et on a une belle émission remplie d'invités ce soir et on a la chance d'avoir en studio avec nous Sébastien Hudon qui est commissaire de l'exposition Jean Soucy peintre clandestin qui est présentement exposé à la Villa Bagatelle à Sillery. Alors Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. On va parler un petit peu de du travail de Jean Soucy parce que je l'avoue personnellement, moi je n'avais aucune idée de qui était Jean Soucy et surtout pas, je connaissais pas du tout son travail. Alors ça a été une découverte pour moi et on fait le lien un peu parce qu'on parlait de Bonnard au musée des Beaux-Arts. Jean Soucy a été un des grands noms associés au musée national des Beaux-Arts du Québec. Oui, il a été directeur là-bas à partir de l'année 1966 et jusqu'en 1973. C'est lui notamment à qui on doit, c'est à lui qu'on doit les services éducatifs, notamment au musée. Ça a été une figure importante donc pour le renouvellement, si on veut, de la clientèle du musée à l'époque, qui était qu'on voyait comme étant plus réservée à une élite. Donc, il a vraiment voulu ouvrir aux jeunes, proposer même à la première cohorte d'histoire de l'art qui sort de l'université, des emplois, de guides, permettre aux étudiants justement de venir au musée pour être guide au moment de leur formation. Donc, Oui, puis le service éducatif, il était lui-même un pédagogue, il a enseigné pendant de nombreuses années et il était artiste, il était peintre. Et d'ailleurs, j'accroche là-dessus parce que le titre de l'exposition, c'est « Peintre clandestin ». Alors, en quoi il était clandestin, Jean Soucy? Eh bien, comme vous disiez tout à l'heure, personne ou peu de gens connaissaient Jean Soucy jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Il faut dire que Jean Soucy, un peu à l'exemple de Bonnard, avait déjà, dans les années 60, une grande rétrospective de prévu. Et la première chose qu'il fait, donc, en devenant directeur du musée, il abandonne le projet d'exposition rétrospective sur lui-même, évidemment, par devoir de réserve, par humilité. Il préfère annuler, mais il abandonne aussi sa pratique. Disons qu'il continue de le faire en privé, mais rapidement, les charges du musée le rattrapent. Puis aussi, il sait que personnellement, il serait incapable d'exposer parce que il préfère ne pas se mettre à l'avant, étant donné qu'il est directeur. Donc, et par la suite, il se remet pas vraiment à la production d'une exposition où on pourrait voir plusieurs œuvres, où il fait de l'illustration, notamment dans des livres. Mais ça contribue justement à cette clandestinité-là. On dit qu'il... pas qu'il cache ses œuvres, mais oui, essentiellement, il les montre plus. Et chez lui, elles sont pas exposées. Donc, ceux qui veulent voir des œuvres de Jean Soucy doivent se rendre chez ceux qui ont acquis des soucis lors de ses succès et ses rétrospectives, ou plutôt ses expositions, donc dans les années 40 et 50. Et c'est à ce moment-là où, et même 60. Donc, c'est à ce moment-là où Soucy vraiment est une figure dominante des arts à Québec. Disons que cette importance-là a été atténuée par le fait que, justement, peu d'œuvres étaient dans les musées au moment où il arrête de peindre. Donc, tout ça a contribué à une certaine forme de clandestinité. Qu'on redécouvre aujourd'hui. Là. Et c'est ça. Ouais. Donc, pendant près de 50 ans, ces œuvres-là sont absentes. Et l'idée, c'est que j'ai été approché par la succession il y a déjà plusieurs années, ça fait presque 8 ou 9 ans. Les personnes qui étaient en charge me disaient, pour projet de faire une grande exposition sur l'œuvre de Jean Soucy que je ne connaissais pas. En fait, on connaissait un tableau essentiellement au Musée des Beaux-Arts du Québec, Les Recrues, qui est d'ailleurs dans l'exposition un immense tableau qui va gagner les concours de peinture provinciaux en 1945. Le premier grand concours provincial de peinture va être gagné ex aequo avec deux autres peintres, si je me rappelle bien, et Jean Soucy, donc, est un des récipiendaires. Mm-hmm. Et donc, ce tableau-là annonce déjà une grande carrière pour Soucy, si on veut, et rapidement, en 46, donc, il représente un autre tableau au concours provincial. Cette fois-là, il ne gagne pas, mais il va être exposé avec les autres récipiendaires parce que son tableau, qui est aussi dans l'exposition Symphonie Gaspésienne, est vraiment un tableau extraordinaire, qui est une espèce d'hommage aux pêcheurs de la Gaspésie, et très coloré, très vif. Mm-hmm. Et tout de suite après, il part pour l'Europe. Et il va se former en Europe. Il va étudier à l'Académie Julien et auprès de Plançon. C'est drôle parce que j'écoutais l'entrevue juste avant, puis je me disais, mon Dieu, 47, c'est au moment où Soucy étudie. Et c'est comme s'il, à quelque part, il poursuivait un peu le travail aussi des post-impressionnistes. Soucy, bon, j'ai sauté un petit bout de sa carrière, mais le début des années 40 est assez important pour lui parce que dès qu'il sort de l'école des Beaux-Arts, il reçoit plein de prix, des médailles. Déjà, on reconnaît son talent et il va exposer en duo avec une autre peintre qui est malheureusement méconnue, Madeleine Laliberté, qui elle aussi voyagé un peu partout, revient même se parfaire sa formation parce qu'elle avait déjà étudié à Québec et elle revient pour rencontrer les nouveaux professeurs qui arrivaient justement de nouveaux milieux en ébullition au point de vue des idées picturales, puis c'est ça. Donc Soucy expose auprès de Madeleine Laliberté donc ils vont avoir un immense succès. Et au moment où cette expo-là a lieu, c'est le moment où les indépendants exposent au Palais Montcalm, donc Bordua, et tous les autres sont là, et la critique est terrible au moment où ils exposent, et une semaine plus tard, Soucy et Laliberté exposent ensemble, et c'est presque un triomphe, tout le monde veut acheter des tableaux. C'est assez incroyable, parce que quand on regarde l'esthétique des œuvres, finalement, on se rend compte qu'on comprend. Peut-être que le scandale avait déjà été préparé et essoufflé par ceux qui sont venus avant. Et donc, au moment où eux arrivent, les gens sont comme, je sais pas, peut-être déjà habitués à cette esthétique-là. Et ils se jettent sur les tableaux, mm-hmm. Ils trouvent ça fantastique. Mm. Oui, tu parles des différentes époques, un peu de la vie de Jean Soucy. L'exposition est montée aussi en quatre ou cinq, si je m'abuse, grands mouvements, grandes parties de sa vie. Quatre grandes périodes. Donc, les premières armes, des débuts de sa formation dans les années 30 jusqu'au milieu des années 40. Après ça, c'est la période européenne, donc le Grand Tour, moment où justement il se forme en Europe et il va voyager aussi beaucoup là-bas, et ensuite il revient à Québec, et peu à peu c'est la période grise qui s'installe. C'est peut-être la période qui est la plus personnelle, si on veut, parce que la formation étant un peu achevée, vraiment on sent que Soucy est en pleine possession de ses moyens, et c'est très très intimiste. Même les œuvres sont essentiellement faites chez lui. Je veux dire, les sujets qu'il peint, c'est ce qu'il voit de sa fenêtre, c'est l'escalier qui mène à son appartement, et c'est une atmosphère certains auteurs qualifient d'existentialiste. Mm-hmm. Et par la suite, donc la dernière période des visions abstraites, donc c'est vraiment

les artistes et pour leurs œuvres. Pour eux, la modernité, c'était que l'artiste ait une production personnelle et qu'il soit pas soumis ou obligé de suivre une ligne esthétique. Donc, à partir du moment où les artistes ne travaillent pas en groupe, ça leur nuit aussi pour l'inscription dans l'histoire de l'art, parce que quand on fait l'histoire de l'art au Québec, rapidement, les années 40, on tombe dans les automatistes et toutes les figures indépendantes qui n'ont pas voulu adhérer à des groupes comme ça sont un peu délaissés au profit justement de ces groupes-là qui se succèdent très rapidement, les automatistes, les plasticiens et ensuite les seconds plasticiens. Donc c'est vraiment une ligne droite, tout est tracé selon un schéma qui est très finalement montréalais, parce que tous ces groupes-là ont été formés à Montréal. Et quand on parle de Québec, ben, on parle essentiellement de Jean-Paul Lemieux. Bon, il y a Edmond Aline qui a eu une rétrospective au Musée d'art contemporain récemment, lui aussi, d'une certaine façon, fait partie de l'École de Québec. Il est formé à ce moment-là, dans les années 50. Et il y a toutes sortes d'autres peintres qui sont encore en vie, d'ailleurs. Je pense à Marcel Jean, qui est très important à cette époque-là. Et je ne sais pas, allez voir son site, allez voir les œuvres qu'il fait dans ces années-là. C'est particulièrement intéressant. Oui, et ce sera donc une belle façon pour plein de gens de reprendre contact avec une période qui est peut-être méconnue, avec certains artistes qui sont pas assez connus encore. Donc, en allant voir cette exposition-là, qui est à la Villa Bagatelle jusqu'au 18 décembre, si je ne m'abuse. Exactement. et ou sinon, à travers le catalogue aussi, duquel tu es auteur, on y trouve plusieurs des œuvres qui sont présentées. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait sur sa vie. Donc, c'est un catalogue vraiment à lire si jamais on n'a pas la chance d'aller voir l'exposition. Mais il nous reste encore le temps d'y aller. C'est ça. Et il y aurait une tonne de monde à remercier, évidemment, pour l'exposition. Je pense à Yvon Milliard, Suzanne Gravel, Claude Thibault, les institutions prêteuses, Annie Lafleur, qui a été maître d'œuvre au Centre Lethbridge du projet, qui est une exposition itinérante, donc en quatre lieux, Québec étant le troisième. Et le dernier lieu, c'est le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, donc au printemps, qui vient hiver-printemps, donc 2017. Oui, puis j'en profite en terminant pour mettre un petit mot sur cet endroit, la Villa Bagatelle, qui fait partie d'un réseau, les Maisons du patrimoine, qui reçoivent des expositions et qui ont un public un peu différent de celui qui fréquente, par exemple, des centres d'artistes ou même les musées. Et en fin de semaine, quand j'y étais, c'était plein. Il y avait beaucoup de gens à l'exposition. Tant mieux. Mais ils font un travail extraordinaire, l'équipe de Éric Dumas, Isabelle Gagnon. Ces gens-là ont une curiosité et une façon de nous faire découvrir des corpus souvent majeurs qui viennent de grandes institutions. Et vraiment aller dans ces endroits-là, vous allez pouvoir découvrir des artistes dont vous soupçonniez même pas l'existence. Oui. Donc ça vaut vraiment la peine. Alors on prend cette invitation-là. Merci beaucoup Sébastien Hudon d'être venu en studio aujourd'hui pour nous parler de cette exposition, et puis on a hâte d'en voir une prochaine. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. Alors on poursuit avec une courte pause audio, et ensuite on va parler avec l'artiste Francis Chénier. Thank you. on revient en onde et dans cette brochette ininterrompue de beaux invités, on a au bout du fil l'artiste et écrivain Francis Chénier. Alors bonsoir Francis. Bonsoir, bonsoir. Alors toi, tu nous appelles de l'autre bout de l'Avin, si je ne m'abuse. Exactement, oui. Exactement. Je suis à l'autre bout, un peu plus vers le sud. Ah d'accord. Francis Chénier, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup ta pratique, j'ai présenté un peu en début d'émission cette espèce de, je dirais, un mélange relativement improbable, parce que je connais des artistes qui sont bibliothécaires, je connais, il y a des liens certainement entre l'écrit et les arts visuels, mais vraiment, toi, tu intègres tout un pan de bibliothéconomie à ta pratique, et c'est quand même un mélange assez particulier. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quel est ton intérêt par rapport à l'écrit, par rapport aux mots, et puis comment ça s'articule dans ton travail? Bien, à vrai dire, c'est sûr qu'il y a une première partie de mon travail, bien, après, pas une première, mais une partie de mon travail qui s'intéresse justement à l'écrit et au livre dans son ensemble. Mais comme tu l'as déjà dit, il y a des artistes qui se sont déjà intéressés à cette chose-là de l'écriture. Ce qui m'intéressait aussi, c'était tout le système qui englobe le livre, plus particulièrement les bibliothèques, et encore plus particulièrement les bibliothèques publiques. Donc, je m'intéressais à ce côté-là qu'il y avait par rapport au bibliothécaire et à la personne. Et donc, entre les deux, il y a l'intermédiaire du livre. Mm-hmm. Et tout le système qui entoure les bibliothèques, donc que ce soit simplement le classement, mais aussi toutes les bases de données, les statistiques, les achats, donc à quel public on s'adresse, le déplacement dans la bibliothèque, toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai pas de formation en bibliothéconomie. Mon intérêt de ne pas poursuivre dans cette branche-là, donc de pas avoir d'études en bibliothéconomie, c'est justement de pouvoir avoir une distance, donc non professionnelle de la chose, mais vraiment un regard artistique sur le milieu. Mais par contre, je me suis infiltré un peu. Je travaille pour les bibliothèques de Montréal. Donc, ça permet d'être dans la chose sans pratiquer le métier donc de bibliothécaire, parce que bon, je suis aide bibliothécaire. Donc, mais je peux les espionner. Parfait. Oui, et il y a quelque chose aussi dans plusieurs de tes projets qui revient, c'est cette idée-là de rencontre aussi, de rencontre que tu peux faire avec des gens qui adorent les livres, mais de façon générale, il y a souvent un aspect d'un espace de discussion, de rencontre, d'échange vraiment à l'intérieur même de plusieurs de tes projets. Oui, absolument. Et à vrai dire, je peux faire un parallèle. Bon, il y a beaucoup de monde. Il y a un peu comme une espèce de mode là, par rapport à la cuisine, la bouffe et tout ce qu'il y a autour de ça. Là. Puis on dit souvent que bon, le repas et tout ça, c'est un bon moyen pour faire des rencontres, faire des discussions. Mais moi, c'est un peu la même chose, mais avec le livre. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, j'y vois vraiment un espace de rencontre. D'ailleurs, j'en ai fait un projet plus précisément que lieu... dans une résidence avec Praxis, un projet que je poursuis jusqu'à temps que ma vie se termine, j'imagine, je ne sais pas trop. Je vais chez les gens, à vrai dire, je les invite à m'inviter chez eux pour qu'on discute de leur bibliothèque personnelle. Donc, au travers de leurs livres, je leur demande des anecdotes, sans plus de précision. Bon, mais ça finit que, bon, ils me racontent leur vie au grand complet, au travers de leurs livres, avec des anecdotes qui sont soit liées au livre, ou soit liées à l'environnement qu'il y avait autour du livre au moment de la première lecture ou de la seconde lecture, ou ce genre de choses-là. Donc, oui, effectivement, le livre est pour moi une source de rencontre, mm-hmm. et aussi une source de discussion, d'ouverture, mais aussi de voyage. Oui, et puis la dimension, évidemment, écrite des mots, de la parole, mais dans plusieurs, dans ta pratique, de façon générale, j'ai l'impression aussi qu'il y a un intérêt pour l'oralité de tout ça aussi, par la poésie. Il y a beaucoup de moments où c'est lu, c'est récité. Il y a quelque chose dans la parole, dans l'oralité, en fait, qui est aussi présent, pas uniquement dans les mots écrits. Ben, oui, absolument. À vrai dire, j'essaie de sortir tout plein de mots en même temps. À vrai dire, j'ai une sorte de fascination pour les nuits de la poésie que j'ai eu en 70 et en 80. Mm-hmm. Toute l'ambiance qu'il y avait autour de ces nuits-là, les poètes qui vont rester leur poésie à ces moments-là. Il y a quelque chose qui s'est passé là de vraiment intense. Et puis, à chaque fois que je revois les vidéos qu'on peut voir sur le site de l'ONF, ça me donne moi aussi envie de réciter de la poésie ou de dire des mots qui sont pas nécessairement de la poésie ou je sais pas trop quelle forme d'écrit, mais de dire des mots, de parler. Et puis c'est sûr que ça va de la poésie plus classique, donc où disons qu'on peut prendre, ça peut aller de Gaston Miron et aller à l'autre pôle, donc de Claude Gauvreau. Donc d'aller dans la poésie de vraiment avec je sais pas comment, les phrases poétiques lyriques, mm-hmm. et puis le spoken word là, parce que je pense que si on regarde les nuits de la poésie 70, Claude Gauvreau, ce qu'il a fait, c'est un peu du spoken word là, c'est une prestation magistrale. Il y a d'ailleurs un de tes projets où tu récitais, je pense au projet Filio Idéal, oui. où tu récitais un poème aussi avec, il y avait un aspect dessin qui venait se greffer à ça aussi. Ça se passait dans l'espace public. Peux-tu nous en parler un petit peu davantage? Oui, c'est un projet que j'ai fait pendant la dernière édition de Viva Art Action. Mm-hmm. J'étais postée à la station de métro de la Concorde à Laval. J'ai choisi ce pôle-là parce qu'à la fois, il y a la station de métro, mais il y a aussi un train de banlieue qui est très achalandé là, aux heures de pointe. Donc, moi, je me postais là dans les heures de pointe, donc à chaque jour pendant tout le mois d'octobre. Mm-hmm. Et puis, je commençais l'intervention en récitant exactement les mêmes mots que Robert Filliou a récité pour sa performance Filliou Idéal. C'est sûr qu'on sortait de cette performance-là, donc c'était simplement une introduction, et puis moi, après ça, j'en faisais quelque chose de très personnel. Donc, je mettais un carnet à dessin sur mes genoux, et puis je dessinais à la manière d'Henri Michaud et de ses dessins cinématiques. C'est-à-dire que des fois, c'était des dessins, des fois, c'était des mots, des fois, c'était les deux en même temps. Mm-hmm. Donc, simplement pour interroger le lieu, m'interroger moi, et aussi pour faire en sorte que les gens s'interrogent sur qu'est-ce que je suis en train de faire là, parce que le gars, il est en plein milieu de la place, il est assis sur une chaise à l'heure de pointe. Il a pas l'air d'attendre le train. Il dessine, on sait pas trop quoi. Fait que la plupart du monde venait me demander « qu'est-ce que tu fais? Uh-huh. » Et puis, je leur disais tout simplement que j'attendais la poésie. Oui, wow, c'est très beau ça. Et puis là, donc, des fois, ça donnait naissance à des discussions. Des fois, ça donnait naissance juste à des longues périodes d'interrogation de leur part. Oui. Et puis, c'était ça qui était voulu, juste de déranger un peu le quotidien. Ce contact-là avec les gens doit être vraiment enrichissant aussi. Et puis, d'ailleurs, on en a profité pour t'inviter à l'émission ce soir parce que tu vas être de passage à Québec prochainement, ce jeudi, en fait, pour une occasion de parler aussi de ton travail, d'entrer en contact avec les gens. Donc, tu donnes une conférence jeudi prochain. Et est-ce que ça va parler de ta pratique en général ou de tes recherches en ce moment? Oui, exactement. À vrai dire, ça va parler de ma démarche en général. Donc, ça va décrire un peu plus en détail les trois pôles que je me donne dans ma pratique artistique, c'est-à-dire artiste, écrivain et bibliothécaire. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail ces trois pôles-là à partir de projets que j'ai déjà faits. Mm-hmm. Et donc c'est ça, oui, c'est jeudi qui s'en vient à 16h30. Pour ceux qui connaissent la fabrique, c'est dans la fameuse salle de critique. La fameuse salle de critique, tout près voilà. Des ascenseurs. Donc, exactement. Vous ne pouvez pas vous perdre, demander à un étudiant, il vous pointera dans la c'est bonne sûr. Direction. Oui. Donc, on va sûrement pouvoir venir en apprendre davantage sur ton travail à cette occasion-là. Et en ce moment, est-ce que tu travailles sur, est-ce que t'as un projet en cours? Est-ce que même cette conférence-là fait partie de ce que tu pourrais appeler un projet en ce moment? Ben oui, actuellement le dilemme que j'ai, c'est justement de savoir où est-ce que je me situe par rapport à cette conférence-là. C'est-à-dire que tout le matériel est prêt, donc il reste juste la forme que ça va prendre. C'est-à-dire, est-ce que je prends plus une forme classique ou j'y déborde, j'y vois un peu plus dans un autre sens. Bref, je pense que ça va être au dernier moment que je vais le décider. Mais oui, ça fait partie un peu de ce que je peux appeler comme un projet artistique pour moi. La parole est un objet plastique. Donc la conférence est un objet plastique en tant que tel. Donc oui, ça prend une forme artistique dans le cadre de ma démarche, c'est sûr. Bien, sur ces belles paroles, justement, merci énormément d'avoir été présent, même de loin comme ça, à l'émission ce soir. Et merci puis, on va venir te voir à la conférence ce jeudi. En chair et en os, oui. Oui, en chair et en os. Merci beaucoup, Francis Chénier. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et nous, on va aller écouter un dernier extrait audio de la sélection musicale de Simon Roy, un extrait qui s'appelle « The Way to Get Down ». Toute fin d'émission, comme à chaque semaine, on vous rappelle quelques événements et expositions à ne pas manquer cette semaine. Alors, on en a parlé assez longuement avec Francis Chénier. Vous ne pouvez pas manquer sa conférence à 16h30 jeudi, qui se déroulera à la salle 3153, aussi appelée la salle de critique à l'édifice La Fabrique de l'Université Laval. Et ce vendredi, il y aura un vernissage de l'exposition « Autour de la mort, il y a toujours la vie », une exposition collective du Saguenay-Lac-Saint-Jean montée par la commissaire Julie et André T, avec les artistes Cindy Dumais, Étienne Boulanger, Julien Boily, Yannick Potvin et Noémie Payan-Hébert. Ça va se passer au lieu, donc c'est à 17h au 345 rue du Pont. Et en même temps, ce sera le lancement du numéro 124 de la revue Inter, qui a pour thème la revue comme action. Alors ça, c'est ce vendredi et vous avez jusqu'à dimanche pour voir l'exposition Air de traite de Michel Boulanger à Engrammes. Et surtout, vous avez encore quelques jours pour voir les magnifiques couleurs de l'automne. Alors, on vous enjoint tout le monde à sortir dehors et aller voir ce spectacle d'une grande, grande beauté esthétique qui ne durera pas longtemps. Alors, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous rattraper en balado-diffusion sur notre page web qui est l'aérospatialecrl.wordpress.com. Vous pouvez aussi suivre notre page Facebook et notre nouveau Instagram sur lequel on vous mettra de plus en plus de choses. Et je tiens à remercier évidemment un grand merci à nos invités Sébastien Hudon, Francis Chénier, notre chroniqueuse Andréane Lesage, Jacques Gignac, notre magicien des ondes, merci beaucoup. Et merci à nos compères Jean-Tienne La France et Audrey Caro qui nous écoutent à distance. Et vous, je vous invite à demeurer à l'écoute de CKRL parce que Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause pour discuter de cinéma à l'émission Situation critique. Alors, bonne semaine à tous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. De l'âme d'un violon, oseriez-vous relever les empreintes digitales? 89.1. C'est une buée. Elle vous dit des choses formidables. C'est de la très, très, très grande poésie. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de sophistication. Mais par contre, à d'autres moments, elle s'enflamme. Hein. C'est KRL. Et quand on parle du souffle, qui peut être violent ou qui peut être le murmure d'une brise légère, c'est tout autre chose. On n'est pas dans la même ambiance. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. On a octobre, ne manquez pas Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan présentement à l'affiche. Voyez aussi Un ours et deux amants, 1h54 dès le 3 octobre, Radin le 14 octobre, La Vache dès le 21 octobre et Frank dès le 28 octobre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En octobre, ne manquez pas Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan présentement à l'affiche. Voyez aussi Un ours et deux amants, 1h54 dès le 3 octobre, Radin le 14 octobre, La Vache dès le 21 octobre et Prank dès le 28 octobre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Aujourd'hui, à Situation Critique, le documentaire engagé et iconoclaste « Merci, patron ». Le tout premier long-métrage du comédien Ian Anglin, 1h54. La série de Netflix « Easy ». Et le tout dernier film de Kim Nguyen, « Two Lovers and a Bear ». Trop de bonheur. Alors, notre émission a commencé trop tôt, mais bon, c'est pas de notre faute. Mais on va en profiter. On va parler plus longuement, durant 1h02 plutôt que 60 minutes. Pierre Blais au micro pour l'émission Situation Critique. Et à la mise en onde, grand vizir devant l'éternel Jacques Gignac et devant moi, mes chroniqueuses, Laurence Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. Catherine Pelletier. Bonsoir. Bonsoir. On va vous parler aujourd'hui, je le disais, tout dernier film de Kim Nguyen, qui est vraiment un réalisateur tout à fait charmant. On s'en souvient à cause de Rebelle, entre autres, qui avait été mise en nomination aux Oscars. C'est un gars qui a vécu à Québec, Catherine, durant quelques mois d'ailleurs, à l'époque où Le Marais avait été tourné, qui était son tout premier long métrage, tourné dans plus dans le Nord, hein. Oui, c'est possible. Stonham, Charlebourg, je sais plus. C'est bien possible. Étais-tu ici, toi? J'étais ici. T'étais trop jeune? J'étais peut-être trop jeune. Non, mais je me rappelle d'avoir vu Le Marais au cinéma, par contre. Ah, quand même. J'avais bien aimé. C'est assez là, original. Il a tourné encore plus au Nord pour son tout dernier long-métrage, Two Lovers and a Bear, avec une comédienne que j'aime beaucoup. Avez-vous suivi Orphan Black? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une excellente série avec... C'est Tatiana Maslany. Voilà. Et qui jouait dans Orphan Black, c'est quoi, 5 ou 6 rôles différents? Même plus. Oui. Et elle était stupéfiante parce que d'un rôle à l'autre, elle se transformait, non pas tant que ça physiquement, mais par les traits de caractère. C'est ça qui était réellement Oui, tout à fait. Elle a gagné le Emmy, si je ne me trompe pas, justement, cette année. Fort mérité. Oui, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est un de nos sujets. On va également parler, Laurence, d'un film assez attendu parce que il a été présenté lors du Festival de cinéma de la Ville du Québec. C'est là où tu l'as vu. C'est Une 54 de Ian Anglin. J'ai eu la chance de participer, en fait, à l'avant-première nord-américaine au Festival de cinéma de Québec. J'ai même eu la chance de jaser un petit peu avec Ian Anglin Antoine-Olivier Pilon. Donc, tu es tellement mondaine. Exactement, j'ai tellement de chance en ce moment. Mais oui, pour de vrai, c'était vraiment une expérience, comme je dirais. Et c'est un film sur l'intimidation, on aura l'occasion d'en reparler. Film de fiction, mais assez intense par moment. Catherine, tu t'es intéressée à une nouvelle série qui est disponible depuis peu sur Netflix. C'est arrivé, je pense, début septembre, quelque chose comme ça. Je crois, ça fait environ trois semaines, peut-être autour du 20-22 septembre. Et donc,